sa paire à prendre. Il fera paner vos roses comme il arrive des monts. Le même cours des planètes règle nos jours, nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez qui je suis. Vous serez à ce que je suis. Cependant j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants. Pour n'avoir pas trop d'alarme sur les ravages du temps. Vous en avez qu'on adore, mais ce que vous méprisez pourrait bien durer encore. Quand ceux-là seront usés, cette race nouvelle où j'aurai quelques crédits. Vous ne passerez pour belle qu'autant que je leur ai dit. Pensez-y, belle marquise, quoi qu'un grison fasse et froid. Faut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi.